We'll be right back. Thank you.

quoi cet effet, toi, tu prends? J'arrive pas à ça. Synthé là. C'est un octaveur, moi, tiens. c'est un peu tout comme ça, non? Moi, c'est un pitch shifter. C'est la mesure. Je reprends un tiroir. C'est pas mal ça. Par un. We'll be right back. Je pas un truc, vite ça. Et file. Écoute. Un enfant était là, couvré de lauriers. Tu as fait téléphone ça? Ah merde, j'étais pas là, j'étais en train d'essayer de réparer. Et celle de... Celle de... Comment elle s'appelle ? Lenny Kravitz. Mais j'arrive pas à jouer. Je sais plus comment on le fait ça. I speak of air, I'm on the sun. This bitch is gone, man. Okay.